Julien Ring de Collectif Papera. Je voudrais revenir sur les points sur les précaires. C'est vrai que le bilan de ces dernières années de RLUS est assez catastrophique pour tout ce qui est contractuel et vacataire. Sachant que les vacataires, il y en a énormément qui nous contactent pour les problèmes, et je peux vous dire que ça, c'est de pire en pire. Il y a eu des petites nouvelles qui sont venues, comme les statuts d'auto-entrepreneurs qui ont fleuri avec des questions dans tous les sens. Ça, c'est les petites nouveautés. Bon, ça change un peu de la routine des messages qui tombent toutes les semaines. Mais c'est pour vous dire que ces questions-là sont devenues très importantes, et je crois que c'est de plus en plus grave. Et tout ce qui se passe au niveau des budgets universitaires a une répercussion en général assez catastrophique sur la masse salariale. Là, on peut faire vite des économies si on a besoin. Et donc, les contractuels, on a plusieurs exemples d'universités, l'université d'Artois, qui avait été décidé de suite de supprimer des postes de contractuels et vacataires et autres. Donc c'est vraiment un des bons petits leviers de souplesse, c'est les contractuels et les vacataires, et ça fait énormément de dégâts. Les contractuels, ils viennent en masse poser des questions, ils sont de plus en plus désemparés. Et je ne pense pas que ce soit la loi de résorption de la précarité qui va changer grand-chose. On attend encore les circulaires pour voir en détail ce que ça va être, mais je ne pense pas qu'il y aura une amélioration de ce côté-là. Donc ça, c'est le futur en fait de l'université. Ce sont les gens qui voudront s'inscrire sur les listes de qualification et autres, qui sont en ce moment encore contractuels et autres. Et ça va faire beaucoup de dégâts. Je pense qu'il va y avoir une grosse désaffection. Déjà au niveau des doctorats, on voit que les chiffres commencent à baisser. Mais ça va être le gros problème. Et là, il va falloir vraiment faire quelque chose pour changer le levier. Commencer déjà à la base pour convaincre les étudiants de continuer, ce qui va être le grand challenge des prochaines années, parce que beaucoup ont conscience que ça sert à rien de monter dans l'université, dans les études, et on n'arrive à rien, et le message est assez clair souvent dans les têtes des masters que faire un doctorat n'apporte rien. La LRU impose aux universités de s'engager sur l'insertion professionnelle de ses étudiants, et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui se demandent à quoi ça sert de faire un doctorat concernant l'insertion et qu'elle n'est pas beaucoup améliorée. Donc ça vient aussi au deuxième point que je voulais parler, c'est le crédit d'impôt recherche, parce que là, le doctorat est directement concerné. Je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup de changements. Bon, il y aura apparemment, si le PS devait l'emporter, les points étaient assez clairs. J'avais entendu Alain Clay vendredi, donc c'était jeudi qui en parlait. Effectivement, il y a une envie de refaire basculer tout vers les PME, ce qui est très bien, ça évitera qu'à quelques gros groupes raflent 60% de la mise, surtout les groupes financiers, parfois même, les grosses banques. L'envie que, d'accord, les PME, mais avec le souci de doubler ce crédit d'impôt recherche pour le partenariat avec les universités. Donc ça va rapporter un peu d'argent à l'université, mais de mon point de vue, pour les contractuels et les doctorants, les futurs chercheurs, ça crée une catastrophe totale. C'est-à-dire que les grands groupes ou même les PME n'auront plus besoin, parce que c'est ça aussi qui les intéresse, c'est de ne pas avoir besoin de recruter des gens, parce que ça leur coûte moins cher de faire travailler les gens de l'université que d'embaucher eux-mêmes. Ça s'est traduit de toute façon, surtout pour les gros groupes, avec une désaffection. Il y a des secteurs entiers où, au niveau européen, ça s'est vidé. Mon secteur que je connais assez bien, la biologie, je peux vous dire que tous les gros groupes ont fermé leurs labos en Europe. Et c'est le cas dans beaucoup de pays, en Angleterre, en Belgique, en France, en Italie et dans quelques autres pays. Même les gros labos, laboratoires pharmaceutiques historiques, on pourrait dire, à Bâle, sont en train de se restructurer et faire beaucoup de services. Donc, étant donné que ça concerne quand même 50% des doctorants qui sont formés dans une université, qui devraient y aller pour faire ceux qui veulent faire de la R&D, c'est une des portes qui se ferment, mais c'est énorme. Redoubler aussi ce crédit d'impôt recherche vers les collaborations. Et d'un autre côté, ils nous disent, oui, mais on veut imposer, on veut conditionner le crédit d'impôt recherche en l'embauche de docteurs. D'un côté, on leur donne de l'argent pour qu'ils puissent travailler à les universités, donc sans... Pour eux, leur donner la possibilité de ne pas avoir besoin d'embaucher, parce que la masse salariale, pour eux, c'est très important. Et d'un autre côté, on dit embaucher des docteurs. D'autant plus qu'on les forcerait à embaucher des docteurs. Ce qui va à l'encontre de toute la problématique du doctorat en France, qui n'est qu'ils n'ont pas spécialement envie d'en embaucher. Donc il y a vraiment une incohérence qui n'est pas mieux que celle d'avant, j'aurais tendance à dire. Donc ça fait beaucoup de points sur les personnels universitaires, là, en tout cas pour les futurs enseignants-chercheurs, qui sont assez problématiques. Juste un écho peut-être rapide à ce que vous venez de dire qui éveille en moi le souvenir d'un combat très long, celui pour les vacataires de langue de l'Université de Strasbourg, ce qu'on a appelé les vacataires historiques, dont la situation aujourd'hui, même si elle a progressé, reste encore précaire. On a obtenu des CDD. On va en Conseil d'État suite à un jugement que nous estimons favorable au tribunal administratif de Strasbourg. l'université a déposé un pourvoi en Conseil d'État et donc on va, le SNESUB va défendre les dossiers en Conseil d'État. Mais ce que je voulais dire, c'est à côté de cette précarité endémique et historique dans les universités, en train de naître une nouvelle forme de précarité qu'on peut appeler une précarité de l'excellence, à savoir que à l'intérieur des l'ABEX, il y a la possibilité d'employer des chercheurs, des enseignants-chercheurs, en CDD sur 3 ans, y compris des postes de professeurs. Ça a déjà commencé à l'université de Strasbourg. Ça a déjà commencé. À Toulouse, ils sont en train de mettre en place un système à l'américaine de tenure où les nouveaux recrutés devront attendre 6 ans avant d'être considérés comme des permanents. On parle de précarité de l'excellence, on aurait pu parler aussi de pathologie de l'excellence, parce que il y a des problèmes de souffrance au travail qui sont en train de naître très, très, très fortement, c'est-à-dire avec les ambiances délétères de perte de la collégialité, de concurrence, d'évaluation en permanence des collègues vont très, très mal. Je ne sais pas comment on pourrait régler cette question, mais ça fait très longtemps, moi, pour avoir été assez longtemps chargée de cours, ce que je trouve évidemment extrêmement choquant, mais tout le monde le sait, je pense, dans cette salle, c'est que vous savez qu'après 80, 81, on a donc séparé le chômage de la fonction publique du chômage du secteur privé, ce qui n'était pas le cas avant. Donc auparavant, disons qu'un chargé de cours pouvait très bien, disons, être repris par le secteur privé comme chômeur, je veux dire. Donc il y a eu séparation des deux chômages et à partir de là, il y a eu donc ce... Je ne sais pas ce que c'est, Céline, peut-être un décret sur les chargés de cours qui a indiqué qu'un chargé de cours, pour être recruté à l'université, devait impérativement avoir un emploi principal, ce qui signifiait donc que l'État ne payait plus les 41% de charges sociales et que donc le chargé de cours n'avait pas le droit au chômage. C'est ça. En réalité, c'est pour éviter que les chargés de cours aient du chômage. Aujourd'hui, moi, je suis de l'autre côté, je suis coordinatrice d'un EP. C'est un problème de fond, cette histoire, parce que nous avons besoin d'enseignants et donc nous avons besoin que ces enseignants aient un premier emploi. Donc, qui travaille à l'université, qui travaille déjà. C'est-à-dire que qui enseignera, celui qui est pourvu d'un emploi principal. Bon, ça veut dire qu'il y a plein de faux à l'université. Il ne faut pas se voiler la face quand même. Il y a des faux bulletins de salaire, des faux... Ça, ça va plaire beaucoup à Céline. Mais c'est une folie furieuse. Donc, vous avez évoqué en effet... Alors, nous, Paris 1, actuellement, on accepte les auto-entrepreneurs qui, là aussi, ça devient un demi-bidon, vous le savez comme moi. C'est un problème de fond. Alors, ça fait plusieurs années, je sais que cette question, elle avait été soulevée par d'autres que moi, avant moi. Que faire sur le plan statutaire pour que cette chose s'arrête ou prenne une autre forme, c'est-à-dire parce que ça ne va pas du tout comme ça. Ça ne va pas du tout. Est-ce que si on récapitule, bon, mettons qu'un jeune chercheur soit réellement dans les règles, on va dire ça peut arriver, moi ça m'est arrivé aussi de temps en temps quand même, qu'il a un emploi à mi-temps minimum, à côté il donne des charges de cours et à côté il fait sa thèse. On rigole. Bon. Enfin, je veux dire, on arrête, quoi. Bon, c'est invraisemblable. Bon, par ailleurs, il est évidemment, le précaire, il est beaucoup plus fragile. Donc, on a rarement vu, c'est dommage pour nous, mais on a rarement vu des grandes grèves de précaires. Parce que si les précaires se mettaient en grève, alors là, je vais vous dire, là, nous, on serait contents. Parce que là, c'est, l'université s'arrête, c'est évident. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont peur pour la suite. Ils ne veulent pas mettre en danger l'éventuelle possibilité d'intégrer l'université. On ne peut pas leur donner tort, c'est évident. Alors moi, je repose la question de fond qui est la question du statut. Parce que je crois que donc, parmi tous les contractuels, le chargé de cours, c'est le pire. Non. Parce qu'après, bon, ATER, ma foi, il y a un contrat doctoraux, etc., vous savez bien, quoi. Vacataire, le chargé de cours, bon, pour peu qu'il ne soit pas enseignant dans le secondaire, ce qui est quand même le cas assez souvent, bon, là, c'est quand même une situation quand même assez terrible. C'est un point, à mon sens, qui n'est pas traité non plus par les politiques, c'est qu'il y a un problème de statut, voilà, je le dis à haute voix, parce que je les vois, moi, les jeunes gens, c'est quand même terrible, enfin, vraiment, c'est pour ça que je les plains beaucoup, et d'autant plus qu'il n'y a plus de poste. Donc, comme il n'y a plus de poste, là, c'est... Le statut, c'est un problème politique, le statut, il est là, le statut contractuel, Non, le fait que la nécessité d'un premier emploi pourrait être abrogée. Pour le coup, on pourrait imaginer un autre type de statut. On peut pas imaginer que nous recrutions des gens sur ce statut de chargé de cours, non. Ou statut de vacataire. Non, c'est pas possible. Il y a quelques universités qui commencent à proposer de payer quand même du chômage, de payer quelques charges, même la retraite. Mais ça, c'est vraiment en bon vouloir d'université parce qu'elle n'est pas du tout obligée. Et bien justement, pourquoi je veux dire, c'est quand même une question de fond, ça, enfin, me semble-t-il. Les contractuels sont là. La seule différence, c'est que le contractuel est payé mensuellement. Il est payé sur un cours organisé. Mais la masse salariale étant telle que c'est sûr que c'est une grande souplesse d'avoir un vacataire. Non, mais ils sont payés en heures complémentaires, les vacataires. Ils sont payés deux fois l'an. Une fois l'an ou deux fois l'an. C'est un scandale. Ils sont payés 1 000 euros par an. Enfin, c'est un truc, bon. Oui. Le problème des contractuels pose un véritable dilemme dans les universités, puisque avec les RCE, les responsabilités et compétences élargies, on le sait, la masse salariale est maintenant contrôlée par les universités, et avec la fongibilité asymétrique, on sait que de la masse salariale peut servir à payer le fonctionnement, mais par contre, le budget de fonctionnement ne peut pas servir à payer de la masse salariale s'il manque pour payer les vacataires. Donc les vacataires, les contractuels sont devenus effectivement la variable d'ajustement. À l'Université du Havre est passée en CA une décision qui a fait débat, qui a été de dire qu'à partir de 3 années, les contractuels ne pouvaient plus redemander un contrat pour essayer justement d'échapper à cette horreur de la précarité qui continue, et pour éviter la prolifération des CDI et CDD dans l'université. Le problème, c'est que ça a été voté alors que certains étaient en train de terminer leur 3e année et qui se retrouvent brutalement dans l'impossibilité de redemander un contrat. Et donc, ça crée des problèmes humains. Donc, à vouloir essayer on est dans un dilemme terrible, à vouloir essayer d'échapper à l'institutionnalisation de la précarité dans l'université, on crée des drames humains. C'est absolument terrible. Et tant qu'il y aura cette CRCE et cette masse salariale contrôlée directement par les universités et surtout avec des budgets très restreints, très contraints, sans marge de manœuvre et avec cette masse salariale qui sert finalement à payer du fonctionnement, on ne s'en sortira pas. Oui, je voudrais justement enchaîner sur ce que tu viens de dire concernant les RCE et puis concernant aussi un point qui a été évoqué rapidement, celle de la souffrance au travail. Et là, je pense particulièrement, en raison en particulier des RCE, à toutes les restructurations d'UFR et d'administration de services centraux des universités pour s'adapter au passage au RCE, souffrance au travail des billatos. Qu'ils soient titulaires ou la plupart précaires. Il y a là quelque chose dont l'université Grenoble 3 est passée très tardivement cette année au RCE, en dernier donc, hein, et immédiatement, hein, pendant la phase de préparation qui était toute l'année 2011, on a vu monter cette désorientation des services, cette multi-organisation, l'ancienne subsistant, la nouvelle devant être progressivement adoptée, des UFR se restructurant pour faire des économies d'échelle, hein, etc., etc. Et donc là, je reviens à ce qui avait été dit tout à fait au départ, hein, pour la première intervention, qui est une question à laquelle je n'ai pas de réponse, hein, mais qui est dans l'éventualité de changement aux élections présidentielles. Est-il possible et comment revient-on sur les RCE ? Est-ce que cela va entraîner une souffrance et une désorganisation nouvelle des services centraux et des services des départements pour de nouveau s'habituer à autre chose alors que les anciennes, enfin les structures RCE sont mises en place? Qu'est-ce qu'on fait dans le cadre général de la LRU de l'abrogation des RCE? Est-ce que là, on a une position? Comment cela est praticable? Oui, enfin, moi j'ai quand même l'impression que on s'acharne sur quelque chose qui ne me paraît pas le fond du problème. Le fond du problème, il est simple, c'est la massification de l'accès à l'enseignement supérieur qui fait que simplement il faut beaucoup plus de postes. Bon, et que nous sommes tous d'accord pour dire que notre métier ne peut s'exercer valablement que sous la protection de la fonction publique d'État, et que simplement il faut demander 5000 postes de plus par an pendant les 5 ans qui viennent. C'est la seule réponse qui est valable. Alors pourquoi ont été inventés les RCE? Parce qu'en fait, si ça n'avait pas été mis en place, ça aurait été assez clair que l'État aurait été mis devant ces contradictions, qu'il ne pouvait pas accueillir tous les étudiants. Donc qu'est-ce qu'on fait? Plutôt que d'avouer que finalement on ne peut pas accueillir tout le monde, on met en place une structure qui fait que finalement, ah bah si on ne peut pas bien accueillir les étudiants, c'est la faute de chaque université prise isolément. C'est simplement faire noyer le poisson. Les RCE en soi, moi je n'ai pas d'avis là-dessus, hein, sur le fait de savoir est-ce que c'est bien au niveau structurel. Pour, si le budget était conséquent, hein, est-ce que c'est mieux d'avoir les RCE ou pas? Franchement, j'en sais rien. Le problème de fond, c'est qu'il faut 5 000 postes de plus par an. Quand on dit qu'on a supprimé en moyenne dans toute la fonction publique un poste de fonctionnaire sur deux qui est parti, ça veut dire qu'aujourd'hui on a une marge de manœuvre. Zut, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Il faut surtout pas se prendre la tête et se culpabiliser en disant comment faire pour mieux gérer les précaires. Non, il faut faire disparaître ces postes précaires, c'est tout. Les RCE posent quand même le problème de la d'être fonctionnaire d'État ou pas. Et on a bien vu à l'Assemblée nationale le nombre de fois où Pécresse a été interpellée sur la question. Est-on toujours fonctionnaire d'État malgré les RCE? Bon, alors ils disent que oui, mais ce n'est pas, c'est problématique quand même. Donc moi je dis non aux RCE.